بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندخل في الحديث 90 كي لو 90 حديث de ce باب de صفات الصلاة dans كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. Donc Abu Maslama qui s'appelle Saïd ibn Yazid, il dit avoir interrogé Anas bin Malik, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat en chaussant ses sandales ou ses chaussures, c'est-à-dire il portait ses sandales ou ses chaussures. Et il a dit Anas, oui. طيب. يقول فضيلة الشيخ بن عثيمين أراوي أبو مس لا يكي السلامة يدلوت يكي مسلمة لأنه غنى بريسيون سعيد بن يزيد ابن مسلمة الأزدي البصري رحمه الله تعالى ثقة من التابعين دوك لو رابورتور دو حديث celui qui a rapporté en vérité le rapporteur c'est Anas. Mais là, celui qui a cité le hadith aux gens, c'est Saïd ibn Yazid. Abu Maslama ou Abu Salama? Je ne sais pas. Apparemment, c'est Abu Maslama. Ce serait plutôt Abu Maslama, là, avec la mime. Donc, c'est lui qui a interrogé Anas à propos de cette salat. De cette mas'ala, de ce sujet. Yaqul mawdu' al-hadith bayyana hukm as-salat fi an-na'lain. Maintenant, ce hadith est venu pour montrer le jugement de faire la salat dans les ni'al. Dans les chaussures, dans les sandales. طيب يقول في الشرح الإجمالي explication globale du hadith. يخبر أبو مسلم وهو من التابعين أنه سأل ابن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. Donc là, Abu Maslama qui est Saïd ibn Yazid dit qu'il a interrogé Anas à propos du Nabi صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il faisait la salat dans ses chaussures. وكأن أبا مسلم استبعد ذلك لما يكون في النعلين من الأذى والكذر غالبا. Et du fait comme si, c'est comme si en fait Saïd voyait, yani, n'arrivait pas à concevoir cela, du fait que en réalité, à la base, les chaussures et les sandales sont des lieux, sont des, à fond des choses qui transportent des saletés. Vu qu'on marche dedans, on marche sur le sol, cela amène à se salir. Donc pour lui, il lui paraissait dur d'admettre de faire la salate, alors qu'à la base, parmi les conditions de la salate, c'est qu'on soit en état de pureté, même nos vêtements. Donc il interrogeait Anas, sans pour autant, comme on le voit aujourd'hui, des gens, quand ils ne connaissent pas une masala, ils la rejettent aussitôt. On dit, si tu ne sais pas, demande. Il se peut que tu ne saches pas une chose, ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ou qu'elle est forcément mauvaise, car la religion n'est pas forcément basée sur la raison. Comme l'a dit, Ali ibn Abi Talib, quand il est là, لو كان أدين بيري لكان أسفل النعل أو أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهري ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. Comme il a dit Ali ibn Abi Talib, il a dit, si jamais la religion était basée sur l'opinion et la raison, le dessous des choufs, des chaussettes, des pantoufles, aurait été plus en droit d'être essuyé. Cependant, j'ai vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus. Et c'est vrai. Donc là, c'est tawqifi, c'est basé sur un décret divin. Et ensuite, la raison a suivi. Donc, ce n'est pas une chose qu'on ignore, que l'on rejette aussitôt. Mais on l'interroge. On l'interroge, en premier lieu. Surtout lorsqu'on entend la chose venant de gens qui sont des gens de science. نعم ثم أجاب أنس بن مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيهما. Donc Anas lui a confirmé que cela était l'acte du Nabi صلى الله عليه وسلم qui faisait la salat dans ses ni'al. طيب يقول في فوائد الحديث enseignement du hadith حرص السلف الصالح على بحث في العلم, ce qui montre l'importance que donnaient les salaf dans la recherche de la science, les interroger. ثانيا جواز الصلاة في النعلين لكن بشرط أن لا يكون فيهما نجسة كما يدل عليه حديث آخر. Et donc maintenant cela montre qu'il est permis de faire la salat dans les chaussures à condition qu'elle ne porte pas de saleté ou d'impureté comme d'autres hadiths l'ont stipulé. Non. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que avant d'entrer dans la salat, que l'un d'entre vous regarde tous ses ni'el s'il n'y a pas de saleté avant de faire la salat dedans. Et s'il y a quelque chose, il les nettoie. Après, il fait la salat dedans. Et d'autres hadiths sont venus. D'ailleurs, Cheikh Mokbir a fait une salat entière sur le sujet de la salat dans les chaussures pour affirmer que cela est un jugement qui est effectif et que c'est une sunna. D'accord, c'est une sunna. Car beaucoup de gens qui ignorent cette sunna-là la voient comme s'ils voyaient quelqu'un faire la salat dans ses chaussures, dans le masjid. Certains voient cela comme de la mécréance même. Alors là, il y a des gens, voient, de parmi les awam, les gens de la masse, ils sont prêts à te frapper ou à t'insulter si tu vas faire cela. Donc de là, les ulama, ils ont dit, bab maslaha, de ne pas le faire, à part dans un lieu qui est dans lequel les gens connaissent cela et le font. Comme c'était le cas pour nous à Dammaj. À Dammaj, on faisait cela dans la Ni'al. C'est un lieu pour les toulab, c'est là la sunna qui était dominante dans ce lieu et non pas l'ignorance des awam. Donc on le faisait, mais en dehors de cela, on ne le faisait pas. On ne le faisait pas. Et Cheikh Mokbir disait de ne pas le faire n'importe où. D'accord ? Tu ne le fais pas n'importe où. Car cela pourrait amener un plus grand mal. Car les gens ne connaissent pas et ils vont dire que vous êtes des gens sales, vous souillez les maisons d'Allah Azzawajal, ou Akaza. Ça peut amener beaucoup de complications. Donc de ne pas le faire. Et la cause n'est pas le fait qu'on a peur de salir la moquette ou quoi, c'est le fait comment pourraient réagir les gens par rapport à cette sunna-là. Car des gens, malheureusement, qui aiment la sunna, ont voulu agir de la sorte, faire la salat dans les Ni'al, dans un lieu où les gens ne connaissaient pas, et ça a valu qu'ils aient eu des problèmes. Certains même, leurs mosquées ont été fermées à cause de ça. Donc, il faut regarder les masalih. D'accord ? Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, l'oula koumouka hadith bihad bil islam, la hadamtu al ka'ba, wa la benaytuha ala asas Ibrahim. Il a dit à Aïcha, si jamais ton peuple n'avait pas été genoux en islam, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais bâti sur les fondations d'Ibrahim. Car il savait qu'en faisant cela, en brisant la Kaaba, les gens pouvaient être choqués. Donc il ne l'a pas fait. Il a délaissé un bien pour éviter un plus grand mal. Donc, hada. Sans quoi, quelqu'un chez lui peut le faire. C'est la sunna. Il prie dans ses chaussures s'il le veut. Avec conditions données. D'accord ? Et c'est comme également les choses, les notions que les gens ils ont de la saleté ou autre. Comme par exemple les sœurs qui porteraient un djilbeb qui dépasse un empan. Pour des gens, c'est une chose qui est immonde. Ils disent, regardez, avec son djilbeb, ça traîne par terre et touche toutes les saletés dans la rue qu'il y a. Et après, elle vient dans le masjid et fait la salat. On dit là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est, c'est-à-dire ce qu'elle traîne, qu'elle touche comme saleté dans la rue ou quoi, que le sol, la terre, purifie cela. Comme nous le tayammum, lorsqu'on fait le tayammum, ça nous purifie. Ça nous purifie. Est-ce que ça rentre dans la raison, ça? Ça rentre pas dans la raison, ça. La raison ne peut concevoir cela, à la base. Mais on a un texte qui nous le dit, donc de là, on accepte. Et la raison accepte la révélation. La raison accepte la révélation. Avant. Donc là, le jugement, c'est de montrer la salat dans le Ni'al. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, il a dit « Khalifu mushrikin, salu fi ni'alikum ». Il a dit « Contredisez les mushrikin et faites la salat dans le Ni'al ». Car eux ne faisaient pas. Ou plutôt « Khalifu al-kitab ». Khalifu al-kitab, wa salu fi ni'alikum. Car les gens du livre ne font pas la salat dans leur Ni'al. Wa akada. Donc ça, c'est le hukm de l'islam. Wa bi'adal kod naktafi, wa alhamdulillah.